Chapitre 4. Harnais s'arrêta en face de la jeune fille et, avec un sourire embarrassé, se découvrit. « Je vous demande bien pardon, » dit-il. « Je croyais qu'il n'y avait personne. » Charity, brusquement redressée, lui barra le chemin. « Vous ne devez pas entrer. La bibliothèque n'est pas ouverte le mercredi. Je le sais, mais ma cousine m'a donné sa clé. Miss Hatchard n'a pas plus que moi le droit de donner sa clé à une tierce personne. » « Je suis encore la bibliothécaire, et je connais le règlement de ma bibliothèque, je pense. » Le jeune homme la regarda d'un air surpris. « Je le sais. Je suis désolé de constater que ma visite vous importune. »« Sans doute, » reprit-elle toute frémissante, « êtes-vous venu voir si vous ne trouveriez pas encore quelque chose à rapporter contre moi ? Ne vous en donnez pas la peine. Je suis bibliothécaire aujourd'hui, mais je ne le serai plus demain. Quand vous êtes entré, j'étais sur le point de reporter à Miss Hatchard la clé, le registre et ma démission. » Le jeune homme cessa de sourire, mais son regard ne révéla pas la culpabilité consciente dont elle épiait le signe sur son visage. « Je ne comprends pas, » dit-il doucement. « Voyons, il doit y avoir une erreur. Pourquoi dirais-je du mal de vous à Miss Hatchard, ou à qui que ce soit ?» Cette réponse, qui lui parut évasive, mit le comble à l'exaspération de Charity. « Je ne sais pas pourquoi vous le feriez en effet. Je le comprendrais mieux de la part de Orma Fry, qui a toujours cherché à me faire envoyer, bien qu'elle ait son chez-elle et qu'elle soit nourrie par son père. Et aussi d'Ida Targat, qui ne me pardonne pas d'avoir pris cette place, elle qui a hérité de son frère il y a un an. En tous les cas, nous habitons tous le même endroit. Et quand on végète ensemble dans un pauvre petit endroit comme North Dormer, il suffit pour que les gens se haïssent, qu'ils se rencontrent tous les jours dans la rue. Mais vous, vous n'êtes pas d'ici. Et qui ne nous connaissez pas, de quoi vous êtes-vous mêlés ? Croyez-vous que ces autres jeunes filles auraient rempli leurs devoirs mieux que moi ? Mais Orma Fry s'est à peine distinguée à livre d'un fer à repasser. Que je reste ici jusqu'à ce que 5 heures sonne à l'église ou que je ne reste pas, qui cela peut-il gêner ? Qui se soucie à North Dormer de savoir si la bibliothèque est ouverte ou fermée ? Pensez-vous sérieusement qu'on vient ici chercher des livres ? Ce qu'elles voudraient toutes ici. Ce serait que je leur laisse donner des rendez-vous aux jeunes gens du pays. Mais jamais je ne permettrai ce rien du tout de Bill Solas de venir s'installer dans cette salle pour y attendre la petite Targat. Je le connais, ce garçon-là, même si je ne me connais pas en livre comme je le devrais, peut-être. » Elle s'arrêta, suffoquée. Un tremblement de rage la secouait. Et pour qu'il ne la vît pas chanceler, elle alla s'appuyer contre son bureau. Le jeune homme, d'abord ahuri de cette sortie, parut profondément affecté. Il rougit sous son hâle et balbutia. « Mais Miss Royal, je vous assure, je vous assure. » Son embarras ne fit qu'exciter la colère de Charity, et la voix lui revint pour répliquer dédaigneusement. « À votre place, j'aurai au moins le courage de maintenir ce que j'ai rapporté. » Ce sarcasme parut rendre à Harnais sa présence d'esprit. « Peut-être aurais-je ce courage si je savais ce dont il s'agit. Il est évident qu'il vous est arrivé quelque chose de désagréable, de pénible et que vous me croyez coupable. Mais je ne sais vraiment à quoi vous faites allusion puisque je rentre seulement à l'instant de Legal Range où je me suis promené toute la matinée. Je ne sais où vous avez passé votre matinée, mais vous êtes venu hier à la bibliothèque et c'est vous qui, en rentrant, avez dit à votre cousine que les livres étaient en mauvais état. C'est aussi vous qui l'avez amené ici pour lui faire constater ma négligence. Le jeune homme regarda Charity avec des yeux navrés. C'est cela que l'on vous a dit ? Je ne m'étonne plus de votre colère. Il faut reconnaître que les livres sont en mauvais état. Et c'est tout à fait dommage, car il y en a d'intéressants. J'ai en effet dit à Miss Hatchard qu'il souffrait de l'humidité et du manque d'air. Et si je l'ai fait venir, c'est pour lui montrer combien il était facile d'aérer la pièce. Je lui ai dit aussi que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous aider à épousseter les livres et leur donner de l'air de temps en temps. Si l'on vous a mal répété ce que j'ai dit, je le regrette. Et j'en suis peiné. Mais j'aime tant les vieux bouquins que je préférais les voir jeter au feu que livrer à la moisissure comme ceux qui sont ici. Charity sentit qu'un sanglot lui montait à la gorge. Elle essaya de l'étouffer sous un flux de paroles. « Je ne me soucie pas de ce que vous avez pu dire à votre cousine. Ce que je sais, c'est que je vais perdre mon emploi, parce qu'elle pense que tout cela est de ma faute. J'en avais pourtant besoin plus que n'importe qui à North Dormer, car je ne suis pas comme les autres, moi. Je n'ai ni aisance, ni personne qui me soit proche. Tout ce que je désirais, c'était me mettre de côté assez d'argent pour m'en aller plus tard de cet affreux village. » « Sans cela, croyez-vous que je serais venu me morfondre tous les jours dans ce vieux caveau ?» Le jeune homme ne parut retenir de ses plaintes que la dernière. C'est un vieux caveau, en effet. Mais est-il bien nécessaire qu'il le soit ? C'est probablement de cette question posée à ma cousine qu'est résulté ce stupide malentendu. Son regard explora la pénombre mélancolique de la longue pièce étroite, s'arrêtant sur les murs humides, sur les rangs de livres aux reliures déteintes, et le triste bureau de palissandre que surmontait le portrait du jeune Honorius. Évidemment, on ne peut rien faire de bien avec une construction adossée à un talus comme l'est ce mausolée grotesque. On ne pourrait l'aérer qu'en perçant un trou dans la montagne. Mais on peut tout de même faire entrer un peu d'air et de soleil. Et si vous le voulez, je vous montrerai comment il faut s'y prendre. Son zèle professionnel lui faisait perdre de vue le chagrin de la jeune fille. Déjà, il se mettait à lui donner des explications en désignant du bout de sa canne certains points de la corniche. Mais le silence de Charity lui ayant fait comprendre qu'elle ne s'intéressait nullement à la ventilation de la bibliothèque, il se retourna brusquement vers elle et lui dit, en lui tendant les deux mains, « Voyons, ce n'est pas sérieux ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas croire que j'ai fait quoi que ce soit pour vous faire de la peine. » Les voix du jeune homme étaient devenues très douces, et Charity se sentit faiblir. Personne ne lui avait encore parlé sur ce ton. « Mais alors, pourquoi avez-vous parlé de la sorte à votre cousine ? » demanda-t-elle. Ses mains étaient restées dans celles de Harney et lui serraient légèrement les doigts. C'était la douce étreinte dont elle avait rêvé la veille sur la colline. « Mais pour rendre cet endroit plus habitable pour vous et meilleur pour les livres ?»« Je suis désolé que ma cousine ait brodé sur ce que j'ai dit. Elle est nerveuse et exagère ce qu'on lui dit. J'ai eu tort de ne pas m'en souvenir. » Il ajouta, en la voyant prête à se rendre, « Ne me punissez pas en lui laissant croire que vous la prenez au sérieux. » La jeune fille restait tout étonnée de l'entendre parler de Miss Hatchard comme d'une enfant irresponsable. En dépit de son regard timide, Harney avait l'aplomb que devait, sans doute, donner l'expérience des grandes villes. Le fait de venir de Nettleton donnait à Mr. Royal, malgré ses faiblesses connues, une supériorité incontestable sur tous les autres habitants de North Dormer, et Charity devinait que Lucius Harney devait avoir habité des villes autrement importantes que Nettleton. Elle sentit que s'il continuait à parler sur le même ton agressif, il la classerait sûrement dans la catégorie des vieilles filles ridicules comme sa cousine, et cette pensée la rendit tout à coup simple et sincère. « Miss Hatchard se soucie peu de mon opinion, déclara-t-elle. Mr. Royal prétend qu'il veut prendre une autre bibliothécaire, et je préfère donner ma démission plutôt que d'entendre dire par tout le village que l'on m'a renvoyé. En cela, je vous comprends, mais je suis persuadé qu'elle ne songe nullement à vous renvoyer. En tous les cas, voulez-vous me permettre de me renseigner d'abord ? Vous aurez toujours le temps de donner votre démission si je me suis trompé. » Charité rougit. Cette offre, à peine déguisée d'une intervention en sa faveur, la froissait. Je ne veux pas qu'on lui demande de me garder si je ne lui conviens pas. Ce fut au tour de Harney de rougir. Je vous donne ma parole de ne pas le lui demander. Attendez seulement jusqu'à demain matin, voulez-vous ? Tout en parlant, il la fixait de ses yeux timides. Fiez-vous à moi, je vous en prie, ajouta-t-il doucement, en la regardant toujours. Brusquement, toutes les rancunes de Charity se dissipèrent sous son regard, et elle murmura, d'une voix sourde, en détournant les yeux, « C'est bien, j'attendrai. »